الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers et sœurs, nous continuons ensemble la lecture de ce livre intitulé العقيدة الواسطية, écrit par l'imam, le grand savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Comme nous l'avons vu dans les cours précédents, il a exposé dans ce livre la croyance du groupe sauvé. Ce groupe qui sont ceux qui sont restés sur ce qu'a été le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum, ceux qui ont suivi cette voie sans ne dévier de celle-ci dans aucun domaine de la religion. Et parmi les domaines les plus importants, il y a le domaine de la croyance et plus particulièrement le domaine de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses noms et en ses attributs. Nous avons vu dans le cours dernier quelques règles liées à ce sujet et parmi ce qu'a mentionné l'auteur, rahimahullah ta'ala, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réuni dans son noble livre et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, dans ce par quoi il s'est décrit entre la négation et l'affirmation, c'est-à-dire l'affirmation de l'ensemble des attributs de perfection et la négation de toute imperfection, de tout manque et de tout défaut. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un certain nombre de versets du Coran et de hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a commencé par mentionner surat al-Ikhlas et ayat al-Kursi. Il a donc dit « وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاسِ الَّتِي تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ » Et entre dans cela, c'est-à-dire entre dans ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit en termes de négation et d'affirmation, ce par quoi il s'est lui-même décrit dans surat al-Ikhlas, cette surat qui équivaut au tiers du Coran. C'est-à-dire que cette surat, surat al-Ikhlas, elle équivaut au tiers du Coran. En effet, celui qui médite sur le Coran verra qu'on retrouvera dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, trois sujets principaux, qui sont le tawhid, les récits, et ceux qui concernent les jugements et la législation. Et cette surat, surat al-Ikhlas, on trouve dans celle-ci la description d'Ar-Rahman, la description du tout miséricordieux. Elle concerne donc le tawhid, qui représente un des trois sujets principaux évoqués dans le Coran. Et c'est pour cela qu'elle équivaut au tiers du Coran. Et Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a aussi mentionné que le sens de cela est que la rétribution de la lecture de cette sourate est multipliée jusqu'à atteindre la rétribution de la lecture du tiers du Coran. C'est-à-dire qu'en lisant cette sourate, la rétribution de ta lecture est multipliée de sorte à atteindre l'équivalent de la rétribution de la lecture du tiers du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quelle est la preuve de cela? La preuve que cette sourate équivaut au tiers du Coran est venue dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qui rapporte qu'un homme a entendu un autre homme réciter « Qul huwallahu ahad » et il répétait cette sourate, c'est-à-dire dans sa prière de nuit. Donc cet homme qui l'avait entendu vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui rapporta ce qu'il avait entendu. Et c'est comme s'il pensait que la récitation de cette sourate n'était pas suffisante. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Par celui qui détient mon âme en sa main, elle équivaut certes au tiers du Coran. » Elle équivaut certes au tiers du Coran. Et dans un autre hadith, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Darda, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « L'un d'entre vous n'est-il pas capable de réciter en une nuit le tiers du Coran ?» Les compagnons, radiyallahu anhum, lui dirent alors, « Et comment peut-on lire le tiers du Coran ?» Il répondit alors, sallallahu alayhi wa sallam, « Ul huwallahu ahad » équivaut au tiers du Coran. Donc on voit, à travers cela, le mérite et l'importance de cette sourate qui est d'une grande valeur. Ajoutez à cela ce qu'elle comprend comme description d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « حيث يقول قل هو الله أحد » dit, c'est-à-dire dit « Ô Muhammad, il est Allah l'unique » c'est-à-dire qu'il n'a pas d'associé, mais il est unique, subhanahu wa ta'ala. Allahu Samad. Allah est As-Samad. As-Samad est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il signifie qu'il est As-Sayyid, le maître absolu, celui dont l'autorité et le pouvoir sont complets. Et il détient l'ensemble des attributs de perfection. Et il est aussi celui vers lequel se dirigent toutes les créatures et ce car elles dépendent de lui, subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'enfant et n'a pas de père comme il l'a nié lui-même dans ce verset. Et il y a en cela une réponse aux chrétiens et aux polythéistes parmi les Arabes qui attribuaient à Allah subhanahu wa ta'ala l'enfant. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ Et il n'a pas d'égal, c'est-à-dire que rien n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'équivaut à Allah subhanahu wa ta'ala et rien n'est égal à lui. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous a mentionné ici cette sourate pour ce qu'elle comprend comme négation et affirmation concernant la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, les deux premiers versets, « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ » dit « Il est Allah unique, Allah as-samad ». Ceci comprend l'affirmation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'affirmation de son pouvoir et de son autorité qui sont parfaits et complets. Ceci relève donc des attributs affirmés dans le Coran. Et les deux derniers versets, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad comprennent ce qu'ils comprennent comme négation comme vous l'avez entendu. Ensuite, il dit rahimahullah wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabihi. Et également ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même décrit dans le verset le plus immense de son livre. Et quel est le verset le plus immense du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le verset le plus immense du livre d'Allah, c'est ce verset que l'on appelle Ayat al-Kursi. Et la preuve que ce verset est le plus immense du Qur'an est ce qui est rapporté par l'imam muslim rahimahullah d'après Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interrogé et lui a dit « Quel est le verset le plus immense dans le livre d'Allah ?» Ubay, radiyallahu anhu, savait la réponse. Mais il dit, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager savent mieux. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lui répéter la question. Et il ne répondait pas au départ par respect et humilité devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors parce que il pensait qu'il allait peut-être lui mentionner un autre verset ou lui donner un autre bénéfice. Mais lorsqu'il vit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait et lui reposait à nouveau la question, Ubay radiyallahu anhu répondit Ayatul Kursi, le verset d'El Kursi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit que la science te soit agréable, ya Abul Mundhir. Il a donc approuvé la réponse de ce noble compagnon radiyallahu anhu. Et les gens de science ont dit que ce verset est le plus immense pour ce qu'il comprend comme affirmation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs, et comme purification d'Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui ne convient pas à sa grandeur et à sa majesté. Donc ce verset, il commence par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illahu. Allah, il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu véritable, il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré, sauf lui. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en droit d'être adoré. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui, son adoration est vaine, car il est le seul digne d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy et Al-Qayyum, ce sont deux des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hayy, cela signifie qu'il est le vivant, celui qui perdure toujours, car sa vie est une vie parfaite et complète, qui n'a pas de fin. Et Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même, c'est-à-dire qu'il se passe de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Il n'a besoin de rien ni de personne, alors que ses créatures dépendent toutes de lui. Il est donc Al-Hayy, Al-Qayyum. Et certains parmi les gens de science ont mentionné que ces deux noms réunis représentent Al-Ism, Al-A'zam, le nom le plus immense. Celui par lequel, si tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, alors il répond à ton invocation. Et si tu lui demandes une chose, alors il te la donne. Et ce en raison de tout ce que comprennent et indiquent ces deux noms immenses. Al-Hayy, le vivant, indique et comprend tous les attributs relevant de l'essence même d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'attribut de l'ouïe, l'attribut de la vue, l'attribut de la science, l'attribut de la puissance, et ainsi de suite. Tous les attributs relevant de l'essence même d'Allah subhanahu wa ta'ala sont compris par son nom Al-Hayy, le vivant. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, indique et comprend l'ensemble des attributs relevant des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la création, le fait de donner la subsistance, et ainsi de suite. Donc tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala reviennent en réalité à ces deux noms. Lorsque tu affirmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Hayy et Al-Qayyum, tu affirmes par cela l'ensemble de ces attributs subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous démontre l'immensité de ces deux noms. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, « La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. » Il n'est pris ni par la somnolence, ni par le sommeil. Donc la somnolence, comme vous le savez, c'est une forme de sommeil léger. Lorsqu'une personne somnole, il y a seulement ses yeux qui sont fermés. Mais en réalité, elle est entre le sommeil et l'éveil. Et le sommeil est plus profond que cela, plus profond que la somnolence. Et c'est pour cela qu'il a été appelé le frère de la mort. Et lorsque la personne dort et est touchée par le sommeil, son cœur même est endormi. La somnolence ne touche que les yeux, tandis que le sommeil, il touche même le cœur. Et ceci en ce qui concerne les créatures faibles. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il a nié dans ce verset le concernant toute forme de sommeil ou de somnolence. « Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. » C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui les possède, c'est lui qui les a créés, et ils sont ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala détient tout ce qui se trouve dans les cieux et tout ce qui se trouve sur terre. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Et le sens de cette question est une forme de question rhétorique, c'est-à-dire personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. En raison de sa grandeur et de son immensité, nul ne peut intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qui que ce soit, si ce n'est après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui en ait donné la permission. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Il sait ce qu'il y a devant eux et derrière eux. C'est-à-dire qu'il sait parfaitement toutes choses concernant leur passé et leur futur, concernant ce qu'ils font ici-bas et ce qu'ils auront pour rétribution dans l'au-delà. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et de sa science, de la science d'Allah, il ne cerne que ce qu'il veut, c'est-à-dire les créatures ne cernent que ce qu'Allah veut. Et ceci a été expliqué de deux manières. La première est que les créatures ne cernent rien et ne savent rien au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. C'est-à-dire que l'on ne connaît d'Allah, de ses noms et de ses attributs que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, c'est-à-dire ce qu'il nous a enseigné à travers la révélation de son livre et l'envoi de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on revient à ce que l'on a mentionné dans le cours précédent. Tout ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être connu que par le biais de la révélation. Et il n'y a aucune place pour la raison dans ce domaine, ni pour la réflexion, ni pour les efforts d'interprétation, et ainsi de suite. Cette science n'est pas une science que tu peux atteindre par la réflexion. C'est une science que tu ne peux atteindre que par les textes de la révélation. Et de sa science, il ne cerne que ce qu'il veut. Ils ne connaissent rien au sujet d'Allah si ce n'est ce qu'Allah veut. Et la deuxième explication, ils ne savent rien de ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, parmi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait, si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu leur renseigner et leur dévoiler. C'est-à-dire que, concernant les choses qui se trouvent dans les cieux et sur la terre, les créatures ne peuvent savoir que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a enseigné et ce qu'il leur a dévoilé. Et nul doute que ce que les créatures savent n'est rien en comparaison à ce qu'ils ignorent. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, « Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard » Son kursi dépasse les cieux et la terre. Le kursi, certains ont dit que c'est l'arche, le trône. Et d'autres ont dit, et c'est ce qui est le plus juste, incha'Allah ta'ala, que le kursi est différent du trône et que c'est l'emplacement des pieds. Comme cela a été rapporté de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Et le kursi est tellement immense qu'il est plus vaste que les cieux et la terre. Et si tel est l'immensité d'une simple créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que dire de l'immensité du Créateur? Ensuite il dit, وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا Et leur protection, c'est-à-dire la protection des cieux et de la terre, ne lui est d'aucune peine, et ce en raison de la perfection de sa force et de sa puissance, subhanahu wa ta'ala. Enfin, il termine ce verset en disant, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Et il est Al-Ali, le Très-Haut, Al-Azim, l'Immense. Et ceux-ci sont deux des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Ali, le Très-Haut, nous indique qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, détient la supériorité absolue. Et ceci englobe la supériorité de son essence. C'est-à-dire que lui-même, subhanahu wa ta'ala, est au-dessus de l'ensemble de ses créatures. Il détient aussi la supériorité de rang et de mérite. Et ce car, il détient l'ensemble des attributs de perfection subhanahu wa ta'ala. Enfin, il détient la supériorité en termes de domination et de pouvoir. Car il est capable de toutes choses subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui administre toutes choses subhanahu wa ta'ala. Et rien ne sort de son autorité et de sa domination. Et il est l'azim, l'immense, c'est-à-dire celui qui détient tous les attributs de noblesse, de grandeur et d'immensité. Et c'est pour cela qu'il est vénéré, révéré dans les cœurs de ses prophètes, alayhimus salatu wassalam, et qu'il est vénéré et révéré par ses anges et ses serviteurs croyants. Donc ceci était une explication concise et résumée de ce verset qui est le verset le plus immense du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce verset ici. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, a réuni dans celui-ci ce par quoi il s'est nommé et ce par quoi il s'est décrit en termes de négation et d'affirmation. Donc on retrouve dans ce verset l'affirmation des attributs de perfection et la négation de toute imperfection, de tout manquement et de tout défaut au sujet d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu dis Allahu la ilaha illahu, Allah, nul Dieu n'est en droit d'être adoré en dehors de lui. Tu renies le droit à l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et tu affirmes que c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa parole, Al-Hayy Al-Qayyum, il y a l'affirmation de l'attribut de la vie, et l'affirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui subsiste par lui-même. Et ceci comprend, comme on l'a dit, l'affirmation de l'ensemble des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa parole, « La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm » il n'est pris ni par la somnolence ni par le sommeil. Il y a donc la négation de ces deux défauts et ces deux imperfections concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa parole, « Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard » il y a l'affirmation de sa royauté, qui est une royauté absolue, sur les cieux et sur la terre. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, « Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum » il sait ce qu'il y a devant eux et derrière eux. Il y a en cela l'affirmation de l'attribut de la science pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une science parfaite. Il sait parfaitement toutes choses subhanahu wa ta'ala parmi les choses passées et futures. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, « وَلَا يُحَيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ » de sa science, il ne cerne rien si ce n'est ce qu'il veut. Ceci nous démontre que les créatures ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que lui se passe parfaitement de ses créatures. Dans sa parole, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ son kursi dépasse les cieux et la terre. Il y a en cela l'affirmation du kursi et l'affirmation de la perfection, de la grandeur et de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la petitesse des créatures. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا leur protection ne lui est d'aucune peine. Il y a en cela la négation de l'incapacité et la négation de la fatigue. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ il est Al-Ali, le Très-Haut, Al-Azim, l'Immense. Et il y a en cela l'affirmation de l'élévation, de la supériorité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son immensité. Donc c'est pour tout cela que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ce verset en introduction de ces nombreux versets qu'il va citer concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, il dit « وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةِ فِي لَيْلَةِ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظُ وَلَا يَقْرُبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحُ » Et c'est pour cela que celui qui lit ce verset durant une nuit, il aura toujours un protecteur veillant sur lui, envoyé par Allah, et aucun diable ne l'approchera, aucun démon ne l'approchera, jusqu'au matin. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il fait référence à un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque tu te rends dans ton lit, récite Ayat al-Kursi jusqu'à terminer le verset, et il y aura toujours avec toi, venant d'Allah, un protecteur, et aucun démon ne t'approchera jusqu'au matin. » Donc vous voyez à travers ce hadith l'importance pour le croyant de veiller à la récitation de ce verset avant de dormir. Et la récitation de ce verset, elle est légiférée à différents moments de la journée. Elle est légiférée dans les adhkars du matin et du soir. Elle est légiférée avant de dormir. Elle est légiférée également après les cinq prières. Et il convient aux croyants d'être assidus à cette lecture et de veiller à méditer sur les sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Et tout ce que ce verset comprend comme affirmation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les plus parfaits et comme négation de tout manquement et de toute imperfection concernant Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre verset du livre d'Allah qui est le verset 3 de Surat al-Hadid. Et il a dit « وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. C'est lui le premier, le dernier, l'apparent et le caché, et il sait parfaitement toutes choses. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala mentionnés dans ce verset ont été clairement expliqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allahumma anta al-awwal, falaysa qablaka shay » « Oh Allah, tu es le premier, il n'y a donc rien avant toi. »« Wa anta al-akhir, falaysa ba'daka shay » « Et tu es al-akhir, tu es le dernier, Il n'y a donc rien après toi. وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٍ. Tu es الظاهر, tu es l'apparent. Il n'y a donc rien au-dessus de toi. وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٍ. Et tu es الباطن, tu es le caché, et rien ne t'échappe. Telle est l'explication donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ces quatre noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant se doit d'affirmer ces quatre noms pour Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui-même nommé par ces noms. Et ces quatre noms nous démontrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala cerne l'ensemble de ses créatures aussi bien d'un point de vue relatif au temps que d'un point de vue relatif à l'espace. Al-awwal wal-akhir, le premier et le dernier, nous démontre qu'il cerne ses créatures d'un point de vue relatif au temps. Il est le premier et le dernier. Il n'y a aucun premier sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait précédé, car c'est lui le premier et rien n'est avant lui. Et il n'y a aucun dernier sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne soit après lui, car il est le dernier et il n'y a rien après lui. Il est celui qui restera alors que toutes les créatures ont une fin. Et Allah subhanahu wa ta'ala cerne ses créatures d'un point de vue relatif à l'espace, et cela se trouve dans ces deux noms, Al-Zahir et Al-Batin. Il est l'apparent et le caché. C'est-à-dire que rien n'est apparent et rien ne s'élève sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne soit au-dessus de lui. Il est l'apparent, il est Al-Zahir, et il n'y a rien au-dessus de lui, subhanahu wa ta'ala. Et il est Al-Batin, le caché, et rien ne lui échappe. C'est-à-dire que rien n'échappe à sa science, rien n'échappe à sa souveraineté, rien n'échappe à sa vue, rien n'échappe à son ouïe. Allah subhanahu wa ta'ala cerne toute chose de par cela. Et il termine d'ailleurs ce verset en disant « Wa huwa bi kulli shay'in 'alim » et il sait parfaitement toute chose, parmi les choses passées, présentes et futures, aussi bien dans les cieux que sur la terre que sous la mer. Parmi les choses apparentes ou cachées. Pas même une petite fourmi qui se déplace sur un rocher ne peut le faire sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le sache. Il sait parfaitement toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur, rahimahullah, a mentionné ce verset ici, car il comprend l'affirmation de ces quatre noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala cerne parfaitement toutes choses de tous les points de vue. Et on voit à travers cela un bénéfice immense que doit tirer le croyant de sa foi en ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement toute chose, que rien ne lui échappe, si tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala rien n'échappe à sa science, rien n'échappe à sa souveraineté, et rien n'échappe à sa vue et à son ouïe, ceci doit éveiller en toi la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu t'apprêtes à faire une chose, te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala le sait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'entend. Et si cette chose est mauvaise, ta foi en ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala doit te pousser à faire preuve de pudeur à l'égard de ton Seigneur et délaisser ce qu'il t'a interdit, subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, continue sa mention de verset et il a dit وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. Et place ta confiance en الحي, le vivant, celui qui ne meurt pas. Et ceci est tiré du verset 58 de Surat Al-Furqan. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de nous en remettre à lui. C'est-à-dire que ton cœur s'en remette à Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir ce qui t'est profitable et repousser ce qui t'est nuisible. C'est cela le tawakkul, que l'on traduit par la confiance en Allah, et qui est une adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le tawakkul est obligatoire pour le croyant. Il est obligatoire pour toi de t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala en toute chose. Car Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui a décrété toutes choses. Donc tu te dois de t'en remettre à lui subhanahu wa ta'ala. Et cette confiance, elle ne s'oppose pas à l'accomplissement des causes. Au contraire, l'accomplissement des causes fait partie de la perfection de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est attendu du croyant est qu'il accomplisse les causes pour atteindre ses objectifs et qu'il ne s'en remette pas à ses causes mais ne s'en remette qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et médite sur ce nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ce verset. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ et place ta confiance en le vivant. Il a mentionné particulièrement ce nom qui nous indique l'attribut de la vie. Et ce car, il n'est possible de s'en remettre et de ne placer sa confiance qu'en le vivant. Et nul ne se caractérise par une vie qui n'a pas de fin, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux vivants parmi les créatures, leur vie a une fin. Et par conséquent, ceux qui s'en remettent aux créatures, lorsque ces créatures meurent, ils se retrouvent perdus et abandonnés, wal'ayadu billah. Tandis que celui qui s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, qui place sa confiance en lui, alors qu'il soit apaisé, il ne sera jamais abandonné car Allah subhanahu wa ta'ala est al-hayy alladhi la yamut. Il est le vivant, celui qui ne meurt pas. Sa vie n'a pas de fin subhanahu wa ta'ala. Et c'est donc pour cela que l'auteur rahimahullah a mentionné ce verset ici. Car il contient l'affirmation de l'attribut de la vie pour Allah subhanahu wa ta'ala qui est une vie parfaite et complète. Et il contient également la négation de la mort. Donc on retrouve une fois de plus la réunion de la négation et de l'affirmation concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On affirme pour Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui relève de la perfection et on renie tout ce qui relève des défauts et des imperfections. Ensuite, il a dit, rahimahullah, wa qawluhu wa huwa al-hakim al-khabir. Ainsi que sa parole et il est al-hakim al-khabir. Et c'est une partie du verset 1 de Surat Saba. Donc dans ce verset, on retrouve l'affirmation de deux des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont al-hakim et al-khabir, qui nous indiquent qu'il fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-hikma, la sagesse, et al-khibra qui est la science parfaite. Donc Al-Hakim, c'est le sage, celui qui juge justement toutes choses, celui qui les parfait et les administre de la meilleure manière. Il est donc sage, subhanahu wa ta'ala, dans sa création. Il a créé les créatures sous la plus belle apparence, en donnant à chaque membre la forme qui lui convient. Et il a créé les cieux et la terre sans aucune disproportion. Et il est aussi sage, subhanahu wa ta'ala, dans sa législation, dans ses ordres et dans ses interdits. Il n'a pas ordonné une chose à ses serviteurs sans que celle-ci ne comporte un bien et un intérêt pour eux. Et il ne leur a pas interdit une chose sans que celle-ci ne comporte un mal et une nuisance pour eux. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, c'est qu'il y a pour nous un bien et un intérêt dans l'accomplissement de cette chose. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, c'est que cette chose comporte pour nous un mal ou une nuisance. Et le bien pour nous est de délaisser cette chose. Donc la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala est une législation d'une sagesse parfaite. C'est une législation qui appelle à tout bien. C'est une législation qui interdit tout mal. Et c'est pour cela que c'est la seule législation par laquelle les serviteurs peuvent trouver le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala est aussi sage dans son destin et son décret. S'il donne, c'est qu'il y a une sagesse dans ce qu'il a donné. Et s'il prive, c'est qu'il y a aussi une sagesse dans le fait d'être privé. Et le bien, tu dois être persuadé qu'il se trouve dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi. Car il sait parfaitement ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Et tu dois avoir la certitude de cela. Et cela est ce qu'implique ta foi en ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Hakim. Que tu aies la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété toute chose avec sagesse et qu'il y a un bien dans ce qu'il t'a accordé et qu'il y a un bien dans le fait qu'il t'ait privé de telle ou telle chose. Et le croyant doit avoir la ferme conviction de cela sans aucun doute ni aucune hésitation. Et Allah subhanahu wa ta'ala est al-khabir qui nous indique l'attribut d'al-khibra qui est la science parfaite. Donc al-khabir, c'est celui qui sait parfaitement toute chose. Il cerne les choses aussi bien apparentes que les choses cachées. Il sait parfaitement ce que tu montres et il sait parfaitement ce que tu caches en ton fort intérieur. Toi, quand tu regardes une personne, tu ne sais d'elle que ce qu'elle montre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est al-khabir. Il sait ce que cette créature montre et il sait aussi ce qu'elle cache au fond d'elle. Il sait ce que renferme sa poitrine. Il sait quelles sont ses intentions. Il sait ce qu'elle fait lorsqu'elle est seule. Il sait quelles sont ses pensées et ainsi de suite. Et avoir foi en ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et en cet attribut de cette science parfaite qui cerne toutes choses, cela doit te pousser à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la purification de tes intentions, à ne vouloir que le bien, à ne vouloir que ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, à être sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala dans l'accomplissement de tes actes d'adoration, et également à veiller à ce que ce qui se trouve dans ton cœur soit en accord avec ce qui est accompli par les membres de ton corps, et que ta croyance soit en adéquation avec ce qui apparaît de toi sur ta langue et sur tes membres. Ceci était donc le sens résumé de ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelques bénéfices tirés de ces versets que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnés, et il a mentionné encore de nombreux autres versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on lira dans les prochains cours, incha'Allah ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيراً.